الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، ceci notre deuxième cours. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فنقرأ في كتاب العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، واسم كتابه الداء والدواء. ويشرحه الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، وحفظ الله والده وعلماءنا. Donc ceci est notre deuxième cours dans la lecture du livre du grand savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Et actuellement, Cheikh Abd Razak al-Badr, un des savants de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa mosquée, enseigne ce livre. On demande à Allah Azza wa Jal de le préserver ainsi que nos savants. Dans le premier cours, nous avons vu la cause de ce livre, la cause de cet écrit qui est en réalité une réponse du grand savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala à un homme qui est venu le voir et qui lui a dit, ou bien qui lui a posé cette question. Il est éprouvé par un péché. Il est éprouvé par un péché. Et il sait pertinemment que s'il reste dans ce péché causera sa perte et sa destruction dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Il veut s'en repentir, il veut le délaisser, mais à chaque fois il retombe dans ce péché. Alors il est venu, il s'adresse à ce grand savant afin qu'il lui indique le moyen profitable pour pouvoir se délier de ce péché et s'en repentir une bonne fois pour toutes. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a commencé sa réponse en lui citant le hadith du prophète alayhi salat wa salam, qui développera en lui l'espoir et qui lui fera savoir qu'il n'y a pas de situation devant laquelle l'islam n'a pas de réponse. Et cette réponse a commencé ou commença par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jabir apporté par l'imam muslim, ما أنزل الله داء إلا أنزل معه شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله. Et c'est le hadith de Abu Huraira qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Puis il lui a développé plusieurs points concernant ad-du'a et les causes pour que cette dua soit profitable et donne les fruits escomptés. Et nous sommes arrêtés sur le passage dans lequel il nous dit, et nous poursuivons ainsi. Fasl wa idha jumi'a ma'a ad-du'a'i hudur al-qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyati 'ala al-matlub. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي ثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضي الصلاة أو حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد بن على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله ولح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صدف أدعية التي إن صدف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها مظنة للاسم الأعظم. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي si on joint à l'invocation la concentration et l'orientation totale du cœur vers l'objectif et que cela correspond à un des six temps que sont le dernier tiers de la nuit au moment de l'appel à la prière entre l'adhan et l'iqama après les prières obligatoires au moment où l'imam monte sur la chaire le vendredi jusqu'à ce que la prière soit accomplie à la dernière heure après la prière du Asr. Si à ces moments le cœur est rempli de recueillement et qu'on se met complètement entre les mains du Seigneur avec humilité, imploration, aménité, en orientant son cœur vers Allah, en étant en état de pureté, en levant les mains vers Allah et en débutant par des louanges et éloges adressés à Allah, vu qu'on fait suivre cela de demande d'éloge sur Mohammed, son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'on s'introduit auprès d'Allah, qu'on insiste auprès de lui dans la demande, qu'on l'implore par des supplications avec espoir et crainte, qu'on cherche l'intercession à travers ses noms, ses attributs et son unicité, et qu'on présente en toute sincérité son invocation, cette invocation sera sûrement acceptée. Surtout si cela correspond aux invocations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'elles étaient source d'exaucement ou qu'elles comportaient le nom suprême d'Allah. Dans ce paragraphe, dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a résumé les causes pour se voir accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala dans son invocation. Il y a plusieurs causes donc qu'a réuni ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il a résumé ici le comportement à adopter lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a résumé ici les causes pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte ton invocation. Et à l'inverse, tu comprends ce qu'il te faut délaisser pour ne pas voir ton invocation rejetée. Tout comme il a pris soin, rahimahullah ta'ala, de nous citer les moments dans lesquels l'invocation est plus, ou plutôt les moments dans lesquels l'exaucement de l'invocation est plus probable. Premièrement, il nous faut savoir que ces causes nous sont enseignées à travers le Coran et à travers la Sunna. Ça n'est pas en testant une chose qu'on va savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise dans la religion. Mais on doit s'en tenir au texte. On doit savoir comment est-ce qu'Allah nous a éduqués dans le Coran. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a éduqués dans la Sunna. Et on doit adorer Allah azza wa jal comme il lui plaît. Ainsi il nous accordera ce qu'il nous a promis comme bien et comme préservation contre le mal. Si le serviteur réunit cela, il s'en faudra de peu pour que son invocation ne soit jamais rejetée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, par exemple, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya. Invoquez votre Seigneur avec humiliation et en abaissant la voix avec humilité. Ici, Allah Azza wa Jalla nous enseigne et nous éduque comment faire dua et comment demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu t'humilies devant lui, tu l'invoques lui et nul autre que lui, tu n'élèves pas ta voix. Tous ces textes nous éduquent et nous montrent comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment lui demander. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit premièrement hudurul qalb, la présence du cœur. Quand tu fais dua, tu dois être concentré. Tu dois ressentir que tu demandes à un Seigneur immense, généreux, vivant, qui t'entend, voit et connaît ton état. Donc dans quel état sera ton cœur à ce moment-là? Il doit être pleinement dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te décharger dans cette adoration. Tu dois te concentrer, réunir tous tes sens pour te décharger dans cette demande, cette adoration. Tu dois donc avoir premièrement la concentration du cœur. Al-iqbal, al-kulli. Tu diriges l'entièreté de ta personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pas que ta langue avec ta demande, mais surtout ton cœur. Mais surtout ton cœur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Demandez à Allah en ayant la certitude quant à sa réponse. Demande à Allah et sois sûr qu'Allah t'entend et va te répondre. N'invoque pas Allah avec un cœur distrait. N'invoque pas Allah, tu lèves les mains et tu penses à autre chose. Ou tu fais dua et tes mains sont occupées par autre chose, ton téléphone ou autre. Non. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala en te rappelant que c'est ton seul maître, ton seul pourvoyeur. Et si lui ne te donne pas, personne ne pourra te donner après lui subhanahu wa ta'ala. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit suite à ce hadith فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبْ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. Et certes Allah, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ. Et certes Allah n'accepte pas, n'exauce pas la dua de celui dont le cœur est distrait, insouciant. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la dua de celui dont le cœur est distrait et insouciant. A l'inverse, si tu te diriges vers Allah Azza wa Jalla avec un cœur vivant, raisant, un cœur rempli de croyance en Allah Azza wa Jalla, assurément, il te donnera ce que tu lui demandes. Deuxièmement, Ibn Qayyim nous dit wa jam'iyyatu bi kulliyati 'ala al-matlub. Il nous dit rahimahullahu ta'ala que tu dois réunir ta personne et te concentrer sur ton besoin. Tu dois réunir tous tes sens afin de te concentrer sur ton besoin. Tu te diriges entièrement vers Allah Azza wa Jalla avec cette demande. Troisièmement, il nous dit وَصَادَفَ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ السِّتَّةِ. Ici, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, de par sa générosité dans la transmission de la science, nous dit si ta demande est faite à un des six moments où l'invocation est exaucée, à plus forte raison elle sera acceptée chez Allah. Et ici, il y a une erreur commise par certaines personnes, c'est que lorsqu'elles entendent awqat ou al-ijaba ou istijaba, les heures ou les moments dans lesquels l'invocation est exaucée, ils ont tendance à délaisser le dua dans les autres moments. Personne parmi les ulama ne dit ça. Mais ils disent que tu fais dua tout le temps, du matin au soir, quand tu veux, quand tu peux. Quand tu as un besoin et tu es toujours dans le besoin. Mais durant ces moments, tu redoubles d'efforts. Durant ces moments, l'espoir augmente. C'est ainsi qu'il faut le prendre et le comprendre. C'est ainsi qu'il faut le prendre et le comprendre. Il nous dit, ثُلُثُ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ. Premièrement, le dernier tiers de la nuit. Comment est-ce que tu calcules le dernier tiers de la nuit? La nuit commence au coucher du soleil, donc au maghrib. Et elle s'arrête de par le fajr. Elle s'arrête de par le fajr, par l'aube. Donc tu prends le temps du maghrib et tu comptes le nombre d'heures jusqu'au fajr. Ensuite tu divises cela par 3. Ensuite tu divises cela par 3. Le dernier tiers sera le dernier tiers de la nuit. Est-ce que c'est compris? Le dernier tiers sera le dernier tiers de la nuit. Tu prends du maghrib jusqu'au fajr. tu divises le nombre d'heures obtenues par 3. Naam, les deux premiers tiers, une fois dépassés, tu entreras dans le dernier tiers de la nuit. Pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ce temps est béni lorsqu'il nous dit yanzilu Allah ou yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthi al-layl al-akhir min al-layl ou fi thuluthi al-akhir min al-layl fa yaqul man yad'uni fa astajiba man yas'aluni fa u'tiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Le prophète alayhi salat wa salam nous montre que le dernier tiers de la nuit est un des temps les plus bénis, un des temps les plus favorables à la demande et à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci car dans un hadith mutawatir, grandement et largement rapporté par les sahaba, le prophète alayhi salat wa salam nous dit sur la traduction de ce hadith, notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit ou au dernier tiers de la nuit, et il demande: qui est-ce qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui est-ce qui me demande afin que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Et cela toutes les nuits dans le dernier tiers de la nuit. Et ici il y a un encouragement. Ici il y a un encouragement pour chaque serviteur à prendre une part dans ce temps-là. À prendre une part dans ce temps-là. De par la salat, le prophète alayhi salat wa salam nous dit que la meilleure des prières après les prières obligatoires est la prière de nuit. Est la prière de nuit. Quant à l'istighfar Allah nous dit en Coran, wa bil ashari hum yastaghfirun. As-sahar, c'est le dernier temps de la nuit. Le fait de demander à Allah azza wa jalla pardon dans ce temps-là, na'am, est propice à l'effacement et au pardon des péchés. Et la demande. Donc ces trois choses-là, Allah Azza wa Jal te les propose. Ces trois choses-là, Allah Azza wa Jal te les propose. Ton Seigneur généreux, bon, miséricordieux, te demande, alors qu'il n'a pas besoin de toi. Et toi, le serviteur faible, tu ne peux te passer d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et ici, on te montre que dans le dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal te propose ces trois choses. Wa billahi tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit 'inda al-adhan, au moment de l'appel à la prière. As-sunna 'inda sama' al-adhan min al-mu'adhdhib an tastami'a ila al-adhan wa an turaddida kulla ma yaqul ma 'ada hayya 'ala as-salat fa taqul la hawla wa la quwwata illa billah. كما في حديث عمر رضي الله عنه وأن هذا من أسباب دخول الجنة. Concernant l'adhan, as-sunna, lorsque tu entends l'adhan, c'est d'écouter avec attention l'adhan. Écouter avec attention l'adhan. Deuxièmement, as-sunna, lorsque tu entends l'adhan, c'est de répéter ce que dit le mu'adhdhib. Exception faite de la parole hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. À ce moment-là, comme dans le hadith Omar radiallahu anhu, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Et la sagesse de dire à ce moment-là la hawla wa la quwwata illa billah, c'est que c'est le passage dans l'adhan où on t'appelle à agir, à faire une action, à te déplacer, à mettre un pied devant l'autre pour venir au masjid. Et aucun bien ne peut s'accomplir sans qu'Allah Azza wa Jal ne t'accorde la réussite dans cela et ne te rend capable et apte, donc te donne la force de le faire. Donc à ce moment, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, je n'ai aucune capacité de sortir d'un état vers un autre, d'un mal à un bien, de chez moi au masjid, illa bik, si ce n'est par toi. Donc, tu te décharges de toute force, de toute puissance, de toute capacité à passer d'un état à un autre. Et tu recherches l'aide dans cette action chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sortir de chez toi pour aller dans l'endroit le plus aimé chez Allah, pour y accomplir l'action la plus aimée chez Allah, salatul jama'a fi waqtiha fi masjid min masajidika. Ça, c'est un amal azim jidda. Ça, c'est des actions les plus grandes. Ça, c'est une des actions les plus aimées chez Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme dans Al-Bukhari, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, ou bien ibn Mas'ud, j'ai oublié, lui dit, Ya Rasulallah, aydul amal yahabbu ila Allah azza wa jal. Quel est l'acte que Allah aime le plus? Il lui dit, salatu ala waqtiha. Ou fi waqtiha. La prière en son temps. La prière en son temps. Donc, tu écoutes l'adhan, tu répètes l'adhan, arrive à hayya ala salah, hayya ala falah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, al-sunnah, après cela, quelle est la sunnah? Indama. Après avoir écouté l'adhan, quelle est la sunnah? Indama. Faire deux raka'a? Non. La dua pour le prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma rabba celle-ci. Quelle est notre réponse? Allahumma musta'an. Naam. Azakallahu khayran. De prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma sallu alayhi. Puis priez sur moi. Wasallallahu alayhi al-wasila. La sunna après avoir écouté l'adhan, c'est de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite de demander à Allah azza wa jal pour le prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Ça c'est un amal azim wa sharif. Naam, ça c'est un amal azim jiddan. C'est la sunna alors du adhan, contrairement à ce qu'on peut voir. Naam, contrairement à ce qu'on peut voir, le fait de discuter pendant l'adhan, le fait de regarder dans son téléphone pendant l'adhan, le fait de lire le Coran, kalamullah, pendant l'adhan, c'est une bonne action, mais meilleur que cela, écouter l'adhan. Meilleur que cela, répéter l'adhan. Meilleur que cela, prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam après l'adhan, et faire dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète alayhi salatu wa sallam, al-wasila. Donc ça, c'est al-sunnah là, de l'adhan. Après cela, tu fais le dua, c'est un moment où l'invocation est acceptée, exaucée chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit, wa bayna al-adhan wa al-iqama, entre l'adhan et l'iqama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la yuraddu al-dua bayna al-adhan wa al-iqama. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, l'invocation n'est jamais rejetée entre l'adhan et l'iqam. Donc si tu as un besoin, tu fais le dua. Et plus particulièrement entre l'adhan et l'iqam, tu prends le temps de faire le dua. Tu prends le temps de faire le dua. C'est un moment dans lequel Allah Azza wa Jal exauce beaucoup. Et ça c'est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, rapporté par Imam Abu Daoud et Tirmidhi rahmatullahi alayhima. Ensuite l'auteur nous dit, wa adbar as-salawat al-maktuba, à la fin des prières prescrites, c'est-à-dire les cinq prières obligatoires. Que veut dire ici adbar as-salawat, à la fin des prières obligatoires? Que veut dire cette parole? À quel moment? Quand on finit salat après le taslim? Indamen. Après avoir fait le zikr, après avoir dit astaghfirullah et subhanallah 33 fois ainsi de suite. Anta qad ajabt. Ba'd at-tashahhud. Fi sujud. Bayna at-tashahhud wa at-taslim. Ça t'a choisi la sécurité. Entre at-tashahhud et at-taslim, il y a du temps. A dit après le tashahhud. Avant le taslim. Ahsant. بعد الصلاة الإبراهيمية وليتخير من الدعاء ما شاء. وليتخير من الدعاء ما شاء. Après le tashahhud الأخير. Hein? Après l'istiada min al-arba. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et qu'il demande, qu'il recherche comme invocation ce qu'il veut. Donc c'est un moment propice à être dua. C'est un moment où on exauce, on accepte grandement être du'a. Et de là, tu vois la baraka de l'imam qui reste longtemps avant taslim. C'est une baraka. Pourquoi? Parce qu'on te laisse ce laps de temps dans lequel tu peux demander à Allah Azza wa Jalla tout ce que tu veux. Et c'est un moment où c'est beaucoup exaucé. C'est un moment où c'est beaucoup exaucé. Contrairement à celui qui dit, subhanallah, j'ai eu le temps deux fois de faire at-tashahhud. J'ai eu le temps deux fois de dire kaza. Miskin ma yadri anna hadha al-waqt min al-awqat al-mubarak. Na'am allati yustajab Allah fiha ad-du'a. Yastajib Allah fiha ad-du'a. Le pauvre, il ne sait pas que c'est un moment où il y a une baraka pour ad-du'a, où c'est un moment où on fait du'a, où on demande beaucoup à Allah Azza wa Jalla. Avant de faire at-taslim, tu demandes. Avant de faire at-taslim, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. Et cette faute, tu la vois quand? Beaucoup pendant Ramadan. L'imam dans du'a al-qunut, il reste longtemps. Et ça, c'est mukhalif al-sunnah. Il reste longtemps dans du'a al-qunut. Mais dans le dernier sujoud, non, c'est tout juste si tu as le temps de dire subhana rabbi al-a'la trois fois. Non. Et dans le tashahhud, avant taslim, c'est tout juste si tu as le temps de finir la salat al-ibrahimi. Non. Quant à du'a al-qunut, il reste longtemps, jusqu'à ce que les gens se plaignent de douleurs au dos. Et cela est mukhalif al-sunnah. Et cela n'est pas en concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait une dua qui était très courte. Allahumma ahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Quelques, yani, supplications, quelques demandes. Quelques demandes. Non, puis il descendait ensuite. Puis il descendait ensuite. Donc ça, c'est un temps qu'on note et qu'on retient. Et lorsqu'on note et qu'on retient, c'est pour appliquer. Quand on note et on retient, c'est pour appliquer, c'est pas pour savoir de le cahier seulement. Et rentrer avec un cahier, avoir des fawaid, ça c'est ni'ma et c'est un khair et c'est min talib al-ilm. Mais le but, non, mais le but n'est pas celui-ci, le but est son application. Donc retenez ce moment avant at-taslim. C'est un moment où le dua est exaucé. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة. Il nous dit, rahimahullah, lorsque l'imam monte sur le minbar, jusqu'à ce que la prière soit accomplie. Lui, il nous dit, وآخر ساعة بعد العصر. La dernière heure après l'asr. La dernière heure après l'asr, c'est-à-dire avant le maghrib. C'est-à-dire avant le maghrib. Et cela nous amène à une question sujette à divergence. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le meilleur jour, c'est le jour du Jumu'ah, na'am, et dans ce jour-là, il y a une heure, c'est-à-dire un moment, na'am, ça, chez les Arabes, c'est-à-dire un moment, dans lequel il n'y a pas une personne qui fait du'a sans qu'Allah Azza wa Jal exauce sa demande. Les savants divergés ont cité plusieurs paroles. Ibn Qayyim a cité les deux paroles les plus fortes. Les deux paroles les plus fortes. À savoir, lorsque l'imam monte sur le minbar jusqu'à la fin de la salat. Et à sa voix, la dernière heure après l'asr, avant al-maghrib. Avant al-maghrib. Ça, c'est un des avis les plus forts chez beaucoup de savants. La dernière heure du asr avant al-maghrib. Non. Donc la personne vise ce temps-là et demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont elle a besoin et ce qu'elle recherche parmi les choses de l'au-delà et de ce bas-monde. Une humilité, une humiliation, un avilissement dans le cœur. Ça, c'est un état du cœur, un des états les plus importants dans le dua et dans l'adoration de manière générale. Le serviteur, il est humilié, il est rabaissé devant son Seigneur au moment où il fait ad-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir de son serviteur qu'il se décompose devant lui. Il fond devant sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Encore plus lorsqu'il lui demande. Il élève son besoin vers le Seigneur des mondes et il parle d'une manière où on voit de lui qu'il n'a qu'un seul Seigneur et que tous ses besoins il les lui remonte et qu'il a comme croyance ferme que si Allah décide de lui accorder cette chose, personne ne pourra lui empêcher. La lui empêcher. Et si Allah décide de ne pas lui donner, nul autre que lui pourra lui donner après. Nul autre que lui ne pourra lui donner après. Dans quel état sera ce serviteur? Sans aucun doute, il sera rempli d'humilité et de concentration. Donc tu te rabaisses devant Allah subhanahu wa ta'ala et ton cœur fond devant lui. Ces sens-là sont très importants dans la dua. Et c'est ce qui donne force à ton invocation, comme va l'expliquer par la suite Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il va faire une corrélation entre ad-du'a et l'épée du combattant. L'épée du combattant n'est pas forte en elle, de par elle-même dans le combat, même si c'est la meilleure épée, mais plutôt par le bras de celui qui la porte. Ad-du'a ne va pas être forte en elle-même, mais selon l'état du de celui qui fait du'a. Selon l'état de celui qui fait du'a, selon le comportement et le respect des conditions de du'a, selon l'état du cœur de celui qui fait du'a. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqqa. Il s'humilie devant lui, il le supplie et il se rabaisse. Wa istaqbala ad-da'i al-qibla. Celui qui fait du'a, il se dirige en direction de la Qibla. Ça fait partie des adab, ça n'est pas une condition, mais ça fait partie des bons comportements. Dans plusieurs ahadith, on trouve que le prophète alayhi salam, que le sahabi nous dit qama wa istaqbala al-qibla wa da'a. Il s'est levé, il s'est mis en direction de la Qibla, il a fait du'a. Donc c'est un comportement à avoir. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa kana ala tahar ay ala wudu. Lorsqu'il fait du'a, il a al wudu. Ça également, c'est un bon comportement à avoir lorsque tu fais al du'a, même si ça n'est pas une condition, ça fait partie des adab. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa rafa'a yadayhi ila Allah. Il lève ses mains vers Allah. Ça, c'est un des plus grands comportements. Et ça montre la pauvreté du serviteur devant son Seigneur. Là, hein? Ne vois-tu pas que le serviteur tend la main pour demander un besoin? Là, il joint ses deux mains et il les lève vers Allah. Ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est la pauvreté même. Il tend ses mains comme ça. Il fait ça pour personne. Elle abde le serviteur, elle fait ça devant personne. Il tend ses mains comme ça, il s'humilie. Il lève ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande, il se rabaisse, il s'humilie et il demande Allah azza wa jalla. Dans le hadith de Salman al-Farisi radiyallahu anhu, il nous dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah hayyun karim yastahyi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ila as-samaa' aw ilayhi an yaruddahuma safra'a ay kha'ibatayn. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, certes Allah est pudique et généreux. Il a honte lorsque l'un d'entre vous lève ses mains vers lui de les lui rendre vides, de les lui rendre sans résultat, vides. Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus noble, riche, généreux, bon pour rendre, yani que de rendre les mains du serviteur qui lui demande vite. Imaginez un pauvre qui a un bon comportement, qui se rend auprès d'un riche. Il se rend auprès d'un riche et il vient avec les meilleurs des caractères. Et il lui demande une chose insignifiante pour lui. Pensez-vous que ce riche va refuser de donner à cette personne-là? Il va lui donner. Il va lui donner. ولله المثل الأعلى. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lui demande. Et il se met en colère si on lui demande. Il est généreux, il est bon, il est riche. Et plus tu lui demandes, plus il t'aime. Penses-tu qu'il va te rendre tes mains vite alors que tu es venu avec ce noble comportement? Tout ce dont tu as besoin, Allah azza wa jal te l'a et il peut te le donner. Donc tu lèves tes mains vers Allah azza wa jal avec tout ce qui est passé auparavant. et tu lui demandes subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous le hadith d'Abi Hurayra, qui est dans l'Arba'a an-Nawawiyya, le hadith numéro 10, si je ne me trompe pas. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. نعم dans le hadith où il nous mentionne un homme ébouriffé, poussiéreux, il lève ses mains vers le ciel, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, et ainsi de suite. Donc lever les mains est une grande cause pour qu'Allah Azza wa Jal exauce ad-du'a. Si ce n'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans deux moments, n'en a jamais levé les mains. Donc, dans ces deux moments seulement, ne lèvera pas les mains. Le premier, c'est lorsqu'il était sur le minbar pendant le khutbah, sauf lorsqu'il demandait la prière. Le deuxième moment, c'est après la prière obligatoire. Dans ces deux moments-là, il ne levait pas les mains lorsqu'il demandait. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. Ensuite, l'auteur nous dit: وبدأ بحمد الله والثناء عليه. Là, l'auteur passe aux paroles à prononcer. Jusqu'à présent, il nous disait le comportement, l'état à avoir. Là, il va nous dire les paroles par lesquelles on entre chez Allah. Les paroles par lesquelles tu frappes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi les sahaba disait, probablement Abu Darda radiallahu anhu, innahu man akthara qar'a bab al-malik yushiku an yaftaha an yuftaha lah. Man akthara min qar'i bab al-malik yushiku an yuftaha alayh. Celui qui frappe souvent à la porte du roi, il s'en faudra de peu pour qu'on lui ouvre. Naam. Celui qui frappe à la porte d'El Malik El Haq 40 fois par jour. Naam. 40 fois par jour. Vous pensez qu'on va lui donner ou pas? 40 fois par jour, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah azza wa jalla à deux reprises dans Sunnat al-Fajr. Naam. À deux reprises dans Salat al-Fajr. Ça fait 4 fois. Naam. Et tu es dans le moment du Subh. Tu demandes à 4 reprises dans Sunnat al-Dhuhr. À 4 reprises dans Salat al-Dhuhr. Ça fait combien? Tu étais à 4. Naam. Tu ajoutes 8. Ça fait combien? Ça fait 12 fois. Puis, 2 fois encore après Sunnat, pour Sunnat al-Dhuhr. Ça fait 14. Puis 4 fois dans Salat al-Asr. Ça fait combien? Ça fait 18. On n'a pas compté al-Sunnat entre l'Adhan et l'Iqam. Non. On n'a pas compté donc les 2 raka'a avant Salat al-Asr. Et certains, pour ceux qui voient que le hadith est hasan, 4 unités avant Salat al-Asr, que ça le préserve du feu de l'enfer, pour ceux qui voient qu'il est hasan. Naam. Ensuite, 2 avant la prière du Maghrib. On arrive à combien? Ensuite, 3 pour la prière du Maghrib. Ensuite, 2 après la prière du Maghrib. Ensuite, 2 avant la salat du Isha. Ensuite, 4 pour le Isha. Ensuite, 2 après le Isha. Combien de fois tu as demandé et frappé à la porte? Ensuite, al-Witr. On compte pas les prières de nuit et salat al-Duha. Yani celui qui frappe. On va lui donner. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné avant que tu lui demandes ce dont tu ne pouvais pas te passer pour lui. Et lorsque tu vas lui demander, naam, après cela il ne va pas te donner. Allah azza wa jal, il aime le dua. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne lui demandes pas, il se met en colère contre toi. Donc tous ces sens-là vont t'accorder un état du cœur. Cet état du cœur est un des points les plus primordiaux pour voir ton invocation exaucée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux paroles, Ibn al-Qayyim nous dit: wa bada'a bihamdillahi wa thana'i 'alayh. Tu commences par quoi? Par louer Allah. Al-hamd, comme a dit Ibn al-Athaymin, c'est wasful mahmoud bil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim. Al-hamd, c'est décrire celui duquel tu fais les éloges par les attributs de perfection. Et lorsque tu fais cela avec ta langue, ton cœur est rempli d'amour et de considération pour Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le hamd. Si tu fais ça une fois, on appelle ça hamd. Thumma thana ali. Al-thana, c'est al-hamd idha takarra. Al-thana, c'est quoi? C'est al-hamd lorsque tu le répètes. Une fois, ça s'appelle al-hamd. Une deuxième fois, ça s'appelle al-thana. Les éloges. Wa'ad? Taïb. Thumma thana ali. Donc, tu fais les éloges d'Allah. Par la mention de ses perfections, en faisant ses éloges, en citant ses noms, en citant ses attributs, en citant ses actions, c'est comme ça que tu commences cette dua. C'est comme cela que tu commences cette dua. ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Après avoir fait les éloges d'Allah, tu pries sur le prophète عليه الصلاة والسلام, son serviteur et son message. ثم قدم بين يدي حاجتي التوبة والاستغفار. Troisièmement, en parole, le repentir. Le repentir et la demande de pardon. Tu regrettes les péchés. Tu délaisses les péchés. Tu as la ferme intention de ne plus retomber dans ces péchés. Non, comment est-ce qu'on appelle ça? At-tawba. Et tu demandes à Allah de te couvrir et que personne ne voit ce péché, de t'effacer ce péché, et qu'il n'y ait pas les répercussions que tu méritais dues à ces péchés. Comment est-ce qu'on appelle cela? Al-Istighfar. Al-Istighfar. Donc avant de demander, tu ôtes de tes épaules ce qui t'alourdit. Non, tu ôtes de tes épaules ces montagnes qui font que ton dos est lourd. Cette noirceur qui font que ton cœur est noir. Non, tu ôtes le voile qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Avec le repentir. Comment? Avec l'estighfar. Ainsi, tu pourras entrer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tu pourras voir ta dua monter chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yarfa'u al-kalimu tayyib wal-amalu salih yarfa'u. Vers lui remonte la bonne parole. Et la bonne action, il l'élève. Et la bonne action, il l'élève. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jalla pardon pour le mal commis et les péchés commis. Thumma dakhala alayhi. Puis il entre chez Allah. Qu'est-ce que ça veut dire il entre chez Allah? Yad'u, il demande. C'est quoi le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala? Ça n'est pas l'origine. Ça n'est pas le pays. Ça n'est pas la couleur, la classe sociale, le métier, la formation, les parents. Non. Le lien entre toi et Allah Azza wa Jalla, c'est l'ibad. Le lien entre toi et Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? C'est l'adoration. Thumma dakhala ala Allah. C'est-à-dire, là, il commence à demander. Naam, il commence à demander. Et je vous laisse imaginer l'état du cœur de cet homme. Il a fait les éloges d'Allah. Il a répété cela. Il s'est repenti. Il fait de l'istighfar. Naam. À ce moment-là, il est dans le summum de l'humiliation et du rabaissement. Naam. De la honte devant son Seigneur et de la pudeur. ثم دخل على الله وألح عليك المسألة. Ibn Qayyim nous cite un autre comportement. C'est quoi? C'est qu'il demande, mais il ne s'arrête pas là. Il répète sa demande. Il répète sa demande. Il insiste. Et il est très insistant. Il est très insistant dans sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait, il répétait souvent. Lorsqu'il demandait, il répétait souvent. Et on a lu le chapitre qui est déjà passé sur l'ilhah fi du'a, le fait de répéter la demande. Et on a vu que l'exemple du croyant dans la demande est semblable à un homme qui est dans la mer, qui est tombé à l'eau et qui n'a pour bouée qu'un bout de bois. comment est-ce qu'il va demander à Allah celui-ci? Comment est-ce qu'il va s'adresser à Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la taqul Allahumma, la yaqulanna ahadukum Allahumma aghfir li in shi't, Allahumma arhamni in shi't, liya'zim al-mas'al fa inna Allah la mukriha. Ne dites pas lorsque vous faites dua: oh Allah, pardonne-moi si tu veux, inshallah. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi miséricorde, inshallah, si tu le veux. Certes, personne ne peut contraindre Allah. Demandez avec détermination. Quand tu demandes, demande avec détermination. Et de là, tu vois l'erreur qui est commise très souvent. Naam. Ils font dua, inshallah. Ils disent inshallah. Non, quand tu fais dua, tu demandes avec détermination, avec certitude dans la réponse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu da'awtu fa lam yustajab, fa lam yustajab. Le prophète alayhi wa sallam nous dit: on répond à l'un d'entre vous tant qu'il ne s'empresse pas. Qu'est-ce que le fait de s'empresser au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, il dit: j'ai demandé, on ne m'a pas répondu. On ne m'a pas répondu. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te diriges vers Allah tabaraka wa ta'ala, tu répètes et tu insistes sur la demande. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: wa tamallaqahu raghbatan wa rahba. Tamallaqahu ay tawarra'a ilayhi wa aqbala ilayhi bid-du'a. Tamallaqahu, c'est-à-dire il lui demande avec insistance en s'humiliant auprès de lui. Avec espoir, désir, crainte et effroi. Et ceci n'est pas propre à la dua, mais c'est propre à l'adoration. C'est-à-dire que lorsque tu adores Allah Azza wa Jalla, tu l'adores avec crainte et espoir. Tu espères recevoir ta demande, tu espères obtenir ton besoin, mais en même temps tu as peur de, par tes péchés et tes imperfections envers, dans ton devoir envers Allah, tu as peur de la punition et qu'on ne t'accorde pas ce que tu demandes. Donc tu es toujours entre la crainte et l'espoir. Puis un autre comportement et une autre cause: watawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi. Watawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi. Il cite en intermédiaire avant sa demande ou pendant sa demande les noms et attributs en rapport avec sa demande. Il cite les noms et attributs en rapport avec sa demande. التوسل بأسمائه وصفاته من أعظم أسباب استجابة الدعاء. Le fait de mentionner les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla lors de la demande est une des plus grandes causes pour se voir exaucé et accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Tu dis par exemple: Allahumma anta al-ghafur al-ghaffar irfir. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, pardonne. Ya Rahim irham. Ya Tawwab tub alayya. Na'am. Allahumma arzuqni dhurriyatan salihatan tayyibatan mubarakatan. Innaka anta khayrul raziqin wa anta khayrul warithin. Oh Allah, accorde-moi une descendance bonne, pieuse et bénie. Tu es certes le grand pourvoyeur. Na'am. Innaka antal wahhab. Tu es le grand donateur. Et combien sont ceux qui demandent les causes pour obtenir des enfants, pour recevoir le don d'enfants, et ils disent: je suis marié depuis un an, depuis cinq ans, depuis dix ans, et je n'ai pas eu, on ne m'a pas fait don d'un enfant. Voici un cours pour ces gens. Combien disent: je suis malade depuis tant d'années, ou j'ai un malade depuis tant d'années. Voici un cours pour eux. Ce cours-là, il vaut pour toutes les parties de la communauté. Le roi et le gouverneur. Le gouverneur. Le roi, le gouverné. Le riche, le pauvre, l'homme, la femme. Pour tout le monde. L'enfant, tu l'éduques dans ça. Il vient vers toi, il te dit, j'ai besoin de ça, je veux ça, achète-moi ça. Tu lui dis, est-ce que tu as fait la première cause? Il te dit laquelle? Tu lui dis, demande à Allah. Tout ce que tu demandes, c'est chez Allah. L'enfant, depuis qu'il sait parler, depuis qu'il entend, il comprend, tu lui apprends ça. Non. La chose, elle est dans ta main, devant lui. Tu lui dis, cette chose-là, je ne pourrais pas la mettre dans ta main. Sauf si Allah Azza wa Jalla fait bouger mon cœur pour faire cette action. D'enfant, depuis son plus jeune âge, tu lui apprends ça. Ainsi, son cœur, il va se diriger que vers Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il est en face de lui son père, sa mère, et que leur argent se trouve dans leurs mains. Non. Cette chose, cette action-là, de prendre et de le remettre dans la main de l'autre, Wallah al-Alim, il ne peut le faire que si Allah tabaraka wa ta'ala lui permet. Que si Allah tabaraka wa ta'ala lui permet. Non. Et on a cité une fois en cours, peut-être c'était en cours de science, pas ici, la qissa de l'homme qui est sorti de chez lui. Il a dit, je vais acheter, j'ai oublié, est-ce que c'est une monture ou du poisson? Sa femme lui a dit, dis Inch'Allah. Il a dit, pourquoi est-ce que tu veux que je dise Inch'Allah? L'argent est dans ma main et l'âne se trouve au marché. L'argent est dans ma main et l'âne se trouve au marché. Je vais au marché, je reviens. Il est sorti. Il est sorti. Il s'est approché d'un puits. Il est sorti, il s'est approché d'un puits. Il s'est baissé, son argent est tombé dans le puits. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses affaires. Il est descendu dans le puits pour récupérer son argent. Des voleurs sont passés, ils ont volé ses affaires. Non. Il est ressorti du puits, il ne pouvait pas sortir dans cet état-là au marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Non. Il est rentré chez lui. Il a frappé, on lui a dit qui est-ce? Il a dit, c'est moi, Inch'Allah. Non. Il lui a dit, il a répondu par son prénom, il a dit, c'est moi, Inch'Allah. Alors qu'Inch'Allah ne se place pas comme cela. Inch'Allah, c'est dans une demande future. Non, c'est pas lorsque tu dis une parole. Contrairement à ce que font les gens. Ils placent Inch'Allah où ça ne se passe pas. Non. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed, Inch'Allah. Non. Là, c'est une information, c'est pas la place. Mais tu dis, je veux faire cela demain, Inch'Allah. J'espère obtenir cela, Inch'Allah, wa hakala. Barakallahu fikum. Donc, tu demandes à Allah Azza wa Jal avec ses noms, avec ses attributs. Qul id'u Allah, awi id'u Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Allah tabaraka wa ta'ala nous éduque dans le Coran à lui demander par la mention, la citation de ses noms, de ses attributs. Et très souvent dans le Coran, très souvent dans le Sunnah, tu trouves que le prophète alayhi salatu wassalam mentionnait les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses supplications. Wa tawhidih. Par son tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah, la ilaha illahu. Naam. Il prononce la parole du tawhid. Dans beaucoup d'invocations, tu trouves ça. Da'wati dhunnun. Da'watu dhunnun idh huwa fi batni al-hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Fa innahu la yad'u biha muslimun aw mu'minun. Rabbahu illa istajaba lah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit l'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta, le prophète alayhi salat ou alayhi salam. Il n'y a pas un musulman ou un croyant qui invoquera Allah Azza wa Jal par cela sans qu'il ne soit exaucé. Du'a al-Karb. La ilaha illallah al-Ali al-Azim. La ilaha illallah Rabbul Arsh al-Azim. La ilaha illallah Rabbul Samawati wa Rabbul Ard. Wa Rabbul Arsh al-Karim. Non. À trois reprises, tu répètes le tawhid. Tatawassal ila Allah Azza wa Jal bi tawhid. Non. Rahman Karim. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par la mention du tawhid. Cheikh Salah al-Fawzan hamidahullahu ta'ala dit une parole qui est la mère des paroles. Beaucoup dans le dhikr en sont distraits. Tu les entends dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mais ils disent pas souvent la ilaha illallah. Donc il faut faire attention à ça. La ilaha illallah, tu dois prononcer cette parole souvent. Tu dois prononcer cette parole très souvent. Et lorsque tu demandes, tu fais dua. Lorsque tu fais dua, tu prononces cette parole dans ta demande, tu dis La ilaha illallah ou bien La ilaha illa ant, et tu demandes, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ta demande. Dans dua, Sayyid al-Istighfar, la meilleure demande de pardon. Naam, il y a La ilaha illa ant. Naam, il y a La ilaha illa ant. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِهِ صَدَقَ » Avant de faire dua, il fait une aumône, il fait une sadaqa. Al-Sheikh Abdurrazzaq, habidahullah ta'ala, ce passage dit « Ana la a'lamu dua'an ou la a'lamu dalilan khassan fiha » لكن يستفاد من العمومات الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى dit quant à moi je ne connais pas de preuve spécifique quant au fait de faire une nomo avant de faire dua mais on peut tirer cette information de la généralité des textes oui regardez le noble comportement du Cheikh il ne dit pas c'est faux il ne dit pas il n'y a pas de dalil mais il dit quant à moi Et ça, c'est l'humilité des ulama. Il dit, quant à moi, je ne connais pas de texte propre sur ça, propre à ça. Mais des textes généraux, naam. Des textes généraux, on peut trouver cela, car la bienfaisance, c'est une cause pour se voir exaucer le dua. Il nous dit, par exemple, dans Hadith al-Wali, qu'est-ce qu'on appelle Hadith al-Wali? Quel est le Hadith qui est surnommé Hadith al-Wali? Il est dans Arba'in Nawiyah aussi. وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِمَاذَا بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إلى أن قال ولئن سألني لأعتينه دون حديث qu'on appelle حديث الولي حديث qu'on appelle حديث الولي c'est من آذى وليا لي فقد آذنته بالحرب celui qui nuit à un de mes bien-aimés je lui déclare la guerre نعم وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضت عليه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par une action que j'aime le plus, que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Regardez ici. Il ne cesse de se rapprocher de moi par des actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Ici, parmi les actions, il y a sadaqa. Az-zaka, c'est le fard. Ensuite, la sadaqa, c'est recommandé. L'homme ne cesse de faire de la bienfaisance jusqu'à ce que dans la situation de difficulté, Allah lui donne. Celui qui fait du bien lorsqu'il est dans l'aisance, lorsqu'il sera dans la difficulté, Allah va lui donner. Lorsqu'il sera dans la difficulté, Allah Azza wa Jal va lui donner. Ici, ce qui est voulu, c'est pas d'aller faire la sadaqa dès que tu en as besoin. Non. Mais tu es connu chez Allah pour As-Sada. Alors lors de ton besoin, Allah va te donner. C'est en d'autres termes, soit du nombre des bienfaisants. Tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'exauce? Soit du nombre des bienfaisants. Soit connu chez Allah Azza wa Jal pour faire du bien aux gens. Pour faire des sadaqat. Certains parmi les plus prédécesseurs ne laissaient jamais un jour et une nuit passer sans faire une autre. Et l'un d'entre eux, lorsqu'il ne trouvait rien à donner, il prenait un oignon chez lui et il le donnait à un besogneux. Un oignon. Yani, le but, je ne sortirai pas de ce jour sans avoir fait une aumône. Je ne sortirai pas de ce jour sans avoir fait une aumône. Ça, c'est un khuluq karim. Ça, c'est un noble comportement. Ça, et le sadaqa, c'est pas que le riche. Un sadaqa, ça peut être aider quelqu'un avec tes connaissances. Ça peut être aider quelqu'un avec tes connaissances. Dans la médecine, dans la mécanique, dans la science, dans la langue arabe, dans l'écriture, dans la lecture, dans la traduction, et ainsi de suite. Dans la lecture du Coran, tu aides. Avec ce que tu as. Tu as des moyens, tu donnes ce dont la personne a besoin. Il fait chaud, tu lui achètes tel vêtement. Il fait froid, tu lui achètes une couverture. Il veut apprendre, tu lui payes ses études. Waaka, tu lui donnes ce dont il a besoin. Tu lui donnes ce dont il a besoin. Al-Muhim, que tu sois connu chez Allah subhanahu wa ta'ala pour aider les gens, pour aider les gens. Une des meilleures aides, c'est de ne pas leur nuire. On a une époque où une des meilleures aides, c'est quoi? Une des meilleures aides, c'est quoi? De ne pas nuire aux gens. Non. L'un d'entre eux dit, une des meilleures personnes à notre époque est celui qui ne fait pas de mal. Non. Jadis, on disait, une des meilleures personnes, c'est celui qui fait du bien à tous ceux qu'il rencontre. Au jour d'aujourd'hui, nous disons, une des meilleures personnes est celui qui ne fait pas du mal. Wallahu musta'an. Et il ne te combat pas dans ta da'wa la tawhid wa sunnah. Avant, la meilleure, c'est celui qui te secourt dans da'wa la tawhid wa sunnah. Aujourd'hui, c'est celui qui ne te combat pas contre ton prêche dans tawhid wa sunnah. Juste, il te laisse prêcher. Il ne t'aide même pas. Juste, il ne n'obstrue pas ta da'wa la tawhid wa sunnah. Et des gens qui se réclament de la da'wa de Ahlus Sunnah, je trouve qu'ils mettent en garde contre le durus, comme Kitab al-Tawhid, par exemple. Comme Kitab al-Tawhid, par exemple. Ça, c'est parmi les plus grandes nuisances faites au serviteur. Surtout si lui n'est pas apte à l'enseigner ou apte à prêcher. Ça, c'est du zulm très grave. C'est de l'injustice qui est très grave. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Al-Zulmu Zulumatun Yawm al-Qiyam. L'injustice, ça sera les ténèbres le jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَا يَكَادُ يُرَدُّ أَبَدًا. Ibn al-Qayyim dit rahimahullah, cette dua, c'est-à-dire qui comprend tout ce qu'on vient de citer dans ces quelques lignes, il s'en faut de peu pour qu'elle ne soit jamais rejetée chez Allah. Il s'en faut de peu pour qu'elle ne soit jamais rejetée chez Allah. وَلَا سِيَمَا إِنْ صَدَقَ الْأَدْعِيَةَ الَّتِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا مَظِنَّةُ الْإِجَابَةِ أَوْ أَنَّا مَظِنَّةٌ لِلِسْمِ الْأَعْظَمِ. Plus particulièrement, après avoir dit tout cela, que cette dua sera mustajaba, elle sera exaucée. Il s'en faut de plus pour qu'elle ne soit jamais rejetée. Ibn Qayyim ajoute et dit, plus particulièrement, à plus forte raison, si il utilise, après tout ce qu'on a dit, il utilise en plus les invocations transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire yataqayyad bil alfaz al nabawiyya. Il utilise les invocations du prophète alayhi salatu wa sallam ou celles qui comprennent le plus grand nom d'Allah. C'est-à-dire en faisant référence au hadith d'invoquer Allah azza wa jalla en mentionnant un nom, si tu mentionnes ce nom dans ta demande, jamais cette invocation sera rejetée. Jamais cette invocation sera rejetée. Ismullah al-A'zam, le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal, les savants divergent. Les deux avis les plus forts étant de dire que c'est Allah, le nom d'Allah, Allah, il renferme le sens de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah renferme le sens de tous ses autres noms. Et son sens est ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين. Le seul qui soit en droit d'être adoré par l'ensemble de ses serviteurs. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah, beaucoup de savants ont dit sans aucun doute c'est Ismullah al-A'zam. Pourquoi? Parce que dans les différents hadiths, c'est le seul nom qui revient. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis est de dire que c'est Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Ibn Qayyim dans Zadul Ma'ad, rahimahullah, a cité cela. Donc, d'autres savants ont cité un troisième avis. Ils ont dit que c'est Al-Jawami. Ce sont les noms qui ne renferment pas un sens, mais plusieurs. qui n'enferme pas un sens mais plusieurs. Comme quoi, par exemple, comme Al-Majid. Al-Majid, c'est un nom qui enferme, qui comprend plusieurs attributs. Naam, qui enferme, qui comprennent plusieurs attributs. As-Samad. Naam, As-Samad. Et ainsi de suite. Et d'autres ont dit, c'est pas un nom en particulier. À la kulli hal, Allah, c'est un des amis les plus forts chez beaucoup de saints. Et d'autres ont dit Al-Hayy Al-Qayyum. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a cité de ses invocations. Il nous dit فَمِنْهَا مَا فِي سُنَنِي وَفِي صَحِيحِ ابن حِبَّان rahimahullah مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةِ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. Ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani et rapporté par Ahmed et certaines personnes de l'Ahlus Sunnah comme Tirmidhi, Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu un homme invoquer Allah. Et il disait, oh Allah, je te demande de par mon témoignage, le fait que j'atteste que tu es Allah, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est toi, l'unique, As-Samad, le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires, du fait qu'il a la perfection absolue. C'est comme cela qu'on peut traduire As-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad, celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Et qui n'a point d'égal. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a entendu invoquer Allah Azza wa Jalla en ces termes. Puis a dit, il a certes demandé à Allah par son nom le plus grand, par son nom le plus immense. Celui qui, lorsqu'on lui demande, celui par lequel, si on lui demande, il donne. Et si on l'invoque, il répond, il exauce. Dans une autre version du hadith, tu as certes demandé à Allah par son nom le plus immense. Wa fi sunani wa sahih ibn Hibban ayda من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا. أنس بن مالك était avec le prophète عليه الصلاة والسلام assis. Un homme priait puis il a invoqué en ces termes ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. Dans lequel Ibn Hibban également, selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, j'étais assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'un homme priait. Puis il a demandé, il a invoqué en disant, oh Allah, je te demande, car à toi revient la louange. Une divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi. Tu es le munificent, tu es le bienfaiteur, créateur des cieux et de la terre, ô digne de glorification et de munificence, ô toi le vivant, le souverain absolu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a invoqué Allah par son nom suprême, par lequel il accorde si on lui demande par lui et exauce si on l'invoque par lui. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite deux hadiths où il y a des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a acquiescé cette demande et a fait les éloges de cette demande. Il nous a informé que cette demande renfermait, ces deux demandes renfermaient le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les deux hadiths, dans les deux invocations, on voit qu'il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah et Al-Hayy Al-Qayyum, ce qui a amené les savants à diverger. Il nous cite encore un texte, wa fi jami' at-Tirmidhi min hadith Asma bint Yazid anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ismullahi al-a'zam fi hatayn al-ayatayn wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim wa fatihati ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Qala at-Tirmidhi hadha hadith sahih. وفي مسند أحمد وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وأنس بن مالك رضي الله عنه وربيعة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام, يعني تعلقوا بها والزموا وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء, وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. هذا الحديث الأخير ضعيف. وفي أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث. وفي صحيح حاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن, البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم رحمه الله فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. نعم, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite ces deux hadiths dans lesquels il y a tawassul bit tawhid wal asma wal sifat. Il nous cite ces deux hadiths dans lesquels il y a la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son unicité, ses noms et ses attributs. Plus la personne observe les comportements à avoir lors de dua, qui sont le résultat de sa connaissance d'Allah Azza wa Jalla à travers ses noms et ses attributs, plus sa dua a de la puissance, plus sa dua et sa demande monte chez Allah, plus sa dua et sa demande est exaucée auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ça, c'est le plus grand tawassul qui soit. At-tawassul bit-tawhid wal-asma'i wa-sifat. C'est le plus grand intermédiaire qu'on peut prendre dans la demande. Car il y a tawassul al-mashru'a ou at-tawassul al-mamnu'a. Les intermédiaires sont de deux sortes: ceux qui sont légiférés, ceux qui sont interdits. Ceux qui sont légiférés, il y a quatre choses. Premièrement, demande à Allah par l'intermédiaire de la mention de ses noms et attributs. Na'am, son tawhid en sens. Deuxièmement, c'est avec du'a, ou plutôt avec al-amal as-salih, avec l'action pieuse faite auparavant. Tu as fait une bonne action, tu espères avoir été sincère, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Mada, oh Allah, si j'ai fait cette action sincèrement pour toi, accorde-moi cela. Oh Allah, si j'ai fait cette action sincèrement pour toi, donne-moi cela. Wa haka. Troisièmement, bidu'a, yirrajuli salih, il-hayy il-hadir il-qadir. Oh, il-hayy il-hadir. Tu demandes à une personne pieuse de faire du'a pour toi. Naam, d'autres ont ajouté, quatrièmement, ils ont dit ton état. Et tu mentionnes ton état, Allah Azza wa Jal, ta faiblesse, ton besoin, et ainsi de suite. Comme Ayyub alayhi salam a fait, inni massani abou. Naam, il a mentionné son état. Quant au fait de demander à un mort de demander pour toi, Allah Azza wa Jal, ça c'est le plus grand shirk, akbar, par lequel Allah Azza wa Jal a maudit Quraysh. Naam. Donc de demander aux morts ou à l'absent, ou de demander une chose à autre qu'Allah alors que seul lui peut l'accorder, ça c'est du shirk akbar, le pire shirk par lequel Allah Azza wa Jal à blâmer Quraysh et Yadan Billah. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné les deux avis les plus forts en citant quelques textes concernant le nom suprême d'Allah Azza wa Jal. Donc soit c'est Allah, soit c'est Al-Hayy Al-Qayyum. Dans le hadith de Asma bint Yazid, on trouve que le prophète sallam a dit le nom suprême d'Allah est dans ces deux versets. Donc le verset de Surat Al-Baqarah, le 164e verset, le 163e de Surat Al-Baqarah, et le début de Surat Ali Imran, le deuxième verset de Surat Ali Imran. Abu Huraira, Anas et d'autres rapportent que le Prophète sallam a dit: Alidhu biyad al-jalali wal-ikram. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Alidhu ay ta'allaku biha wal-zamu wa dawimu alayhi. Demandez souvent en utilisant yad al-jalali wal-ikram. Demandez souvent en utilisant yad al-jalali wal-ikram. Insistez beaucoup en disant ô toi le digne de glorification et de munificence. C'est-à-dire, attachez-vous à cette formule et prononcez-la souvent et continuellement. Et Abu Huraira nous cite, comme l'a mentionné l'imam al-Tirmidhi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par une chose, il levait la tête vers le ciel, et lorsqu'il invoquait, il disait ô toi le vivant, le souverain absolu. Ils ont traduit Al-Qayyum par le souverain absolu. Al-Qayyum, c'est le qa'imu bi nafsi al-muqimu li ghayri. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. Ça, c'est l'explication du terme Al-Qayyum, un des noms d'Allah. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, mais dont personne ne peut se passer pour subsister. Et Allah Azza wa Jal, à plusieurs reprises dans le Coran, trois semaines sur moi, a juxtaposé ces deux noms-là. Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy et Al-Qayyum. Quelle est la sagesse d'avoir cité souvent à côté du nom d'Allah Al-Qayyum Al-Hayy? Quelle est la sagesse d'avoir cité souvent à côté du nom d'Allah Al-Hayy, ou plutôt Al-Qayyum Al-Hayy? Cherchez cela et vous m'apporterez la réponse, Inch'Allah Ta'ala, afin qu'on tire profit de vos connaissances ou de vos recherches auprès des langues de science. Et ce hadith est Mada a une faiblesse. Le hadith d'avant. Ensuite, ce hadith de Anas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché ou préoccupé par une chose, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astari. Ça c'est thabit. Ça c'est affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette dua. Et ça fait partie des invocations. Naam, lors aussi de la difficulté. Naam. Dans le cas de l'Hakim, Abu Umama, radiallahu anhu, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit le nom suprême d'Allah est dans ces trois sourates du Coran. Al-Baqarah, Al-Imran et Taha. Dans le Baqarah, dans quel verset? Je fais référence à quel verset? Dans le Baqarah, il fait référence à quel verset? Ayat al-Kursi, ahsant. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Non, on trouve Allah et on trouve al-hayy al-qayyum. Ensuite, il nous dit Ali Imran. Dans quel verset? Au tout début. Non. Le premier, c'est sûr. Le premier, c'est Alif Lam Mim. Naam, le deuxième, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Tayyib, et Taha. Quel verset? Le deuxième? T'es sûr? C'est quoi le deuxième verset sur la para? Hein? Il n'y a pas de nom ni d'attribut dans le deuxième verset. Donc, un verset qui a bouleversé le cœur de ceux qui connaissent Allah. Bouleversé le cœur de ceux qui ont foi au jour dernier. Allah Akbar. Ayatun azima jidda. Un verset qui transcende les cœurs dans le salat tarawih. Pour celui qui se concentre sur le Coran, bien sûr, pas que sur la voix du lecteur. Quel est ce verset? وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Les visages seront humiliés devant Al-Hayy Al-Qayyum. قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ. Il aura péri celui qui vient avec une injustice. Allahu Akbar. Il arrive au Yawm al-Qiyama, il a fait une injustice. Une. Non. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis Al-Qasim rahimahullah ta'ala dit: j'ai cherché ces versets, j'ai cherché dans ces trois sourates et je me suis rendu compte que c'est Al-Hayy Al-Qayyum. Ça, c'est un des avis qu'on avait mentionné. Al-Hayy Al-Qayyum. وفي جامع الترمذي وصحيح حاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. Dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, authentifié par l'imam al-Hakim, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta, le prophète alayhi salam, lorsqu'il invoqua, alors qu'il se trouvait dans le ventre du poisson, c'est-à-dire Yunus, na'am, alayhi salam. Quelle est cette invocation? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta, nulle divinité n'est ni adorée si ce n'est toi. Subhanak. ونزلك يا الله عن جميع العيوب والنقائص والأنداد سبحانك. Tu proclames la pureté d'Allah Azza wa Jal et le fait qu'il soit innocent et plutôt exempt de tout défaut, de toute imperfection et de toute similitude avec ses créatures. Quand tu dis subhanallah, c'est-à-dire que tu dis qu'Allah est éloigné de tout défaut, de toute imperfection et de toute ressemblance avec ses créatures. Non, c'est une parole qui remplit la balle. C'est une parole azima jiddan. C'est la moitié des éloges chez Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu min al-zalimin, j'étais certes du nombre des injustes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il n'y a pas un musulman qui invoquera Allah pour une chose sans qu'il ne sera exaucé. Celui qui dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, puis demande à Allah, Allah lui donne. Ici, on nous montre qu'une des causes pour être exaucé chez Allah Azza wa Jal, c'est réunir trois choses. Réunir trois choses. La première est tawhid wal ubudiyya. Est tawhid. Et le fait de mentionner que tu es un serviteur, tu t'humilies chez Allah Azza wa Jal, t'adores que lui seul sans rien lui associer. La deuxième chose, c'est le tasbih, at-tanzih, at-taqdis. Na'am, tu proclames la pureté d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit innocent, ou plutôt exempt de tout défaut. Et la troisième chose, c'est le fait de se voir faible, petit et pécheur. Na'am, tu reconnais l'injustice contre ta propre personne. Ces trois choses-là, quand tu les réunis, Allah Azza wa Jal te. Non. Et est-ce que cette chose-là, c'est que pour Yunus? Yunus alayhi salam était dans trois ténèbres, comme si c'était dans le Coran. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجدنا. الله عز وجل لا إكزيست. Est-ce que c'est propre à Younus alayhi salam ou pas? Non, de par le Coran et la Sunna. Quant au Coran, la suite, Allah dit وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi qu'on secourt les croyants. C'est-à-dire, si tu es croyant comme Younus alayhi salam et tu cherches l'aide comme Younus alayhi salam auprès d'Allah, Allah va aussi te secourir. Quant à la Sunna, tu vois le hadith entre tes mains ici. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا بي يفرج الله عن دعاء ذي النون. Ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous la prononcez alors que vous avez une affaire importante, Allah vous accordera la délivrance, l'invocation de Zunnoun. Oui. Wa fi sahihi أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس عليه السلام قال رجل يا رسول الله هل كانت يونس خاصة فقال ألا تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Quand j'ai cité le verset auparavant, je me suis trompé. J'ai dit كذلك ننجي المؤمنين et j'ai oublié ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم. نعم. وقول تعالى طيب فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرض ذلك أعطى أجر شهيد أعطي أجر شهيد وإن برئ مغفورا له. هذا الحديث معلق لم يصح. الحديث suivant n'est pas authentique. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بكرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش وبيا رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. حديث لا نبا جثنتيك. وفي مسند أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل حكمك عدل فيها قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا ذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمع يتعلمها. قال ابن سعود ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. هذا ليس يعني هذا ضعيف موقوف على ابن سعود. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي الدعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كان أبا المعلق وكان تاجرا يتجر بماله أو بمال له ولغيره ويضرب به في الآفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقي لص لص مقنع في السلاح فقال له دع ما معك الحديث طيب فيني سوف سلا سعد rapport que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous informe de ceux qui lorsqu'un mal vous frappe de ceux qui lorsqu'un mal frappe l'un d'entre vous et qu'il invoque par ceci Allah le délivre de son affliction il entendait par cela l'invocation de Yunus il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous indique le nom suprême d'Allah il s'agit de l'invocation de Yunus au message d'Allah Yunus avait-il une particularité Sallam a répondu non, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Nous l'avons exaucé et sauvé de son angoisse, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ainsi tout musulman qui prononce cette invocation 40 fois pendant sa maladie, puis en décède, malgré tout, on lui accordera la récompense du martyr. Et s'il guérit, on lui pardonne ses péchés. Ce hadith n'est pas authentique. Ibn Abbas radiallahu anhu m'a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans la détresse, point de limiter l'île d'adoration, qu'Allah, l'immense, l'indulgent. Point de divinité digne d'adoration, qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Point de divinité digne d'adoration, qu'Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, rapporte le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a appris à dire, lorsque j'étais frappé par une affliction, point de divinité digne d'adoration, qu'Allah, l'indulgent, le magnanime. Gloire et pureté à lui, que s'étende la bénédiction du Seigneur du trône immense, louange à Allah le Seigneur, on démonte. Ce hadith n'est pas authentique. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne n'est frappé par les soucis ou la tristesse. C'est-à-dire que ce soit en relation avec un mal passé qui l'attriste ou un mal présent qui le chagrine. Non. Ô oh Allah, et nous dit, ô oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon tout paix, à cet endroit-là, au-delà, yani le début de la tête, mon tout paix est dans ta main, ton jugement à mon sujet s'accomplit, ton décret me concernant n'est que justice. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible de faire que le Coran soit ils ont traduit par une ondée pour mon cœur ou bien le printemps de mon cœur ou une lumière pour ma poitrine qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis toute personne qui a un problème qui dit cette parole là sans qu'Allah ne dissipe ses soucis et sa tristesse et les remplace par la joie Celui qui fait cette dua, Allah Azza wa Jal enlève son souci, l'état du cœur, sa tristesse, son chagrin, et il remplace cela par joie, par la joie. Ibn Saud a dit, ô messager d'Allah, devons-nous l'apprendre? N'allons-nous donc pas la mémoriser? Il a dit, si. Certes, bien entendu, il convient à toute personne qui l'entend de l'apprendre. Toute personne qui entend cette dua-là se doit de la mémoriser. Ça, c'est la dua que tu fais lorsque tu as un problème, lorsque tu es triste, lorsqu'une chose te chagrine ou autre. Tu fais cette invocation. Cheikh Abdelrazak, Hafidhahullah Ta'ala, attire notre attention sur un point. Il dit, celui qui fait dua doit faire les causes avec. Par exemple, ici, il dit, Allahumma ja'al Qur'an rabi'a sadri, au qalbi. Ou Allah fait du Qur'an le printemps de mon cœur. Naam. Il dit, il convient ensuite qu'il ouvre le mushaf, qu'il ouvre le Coran, qu'il lise le Coran, qu'il médite le Coran, qu'il applique le Coran. Il ne dit pas juste la dua et ensuite il ne fait pas les causes. Il ne fait pas les causes. Non. Il fait dua et il fait suivre son invocation de la mise en pratique de ce qu'elle contient. De ce qu'elle contient. Non. Ici, il y a plusieurs causes qui sont réunies pour faire dissiper la tristesse. Dans Da'watu Dhinnud, c'était At-Tawhid, At-Tanzih et l'Ihtiraf bi-Taqsir. Trois choses. Trois choses. Ici, quatre causes. Quatre choses. Quatre choses. Quelle est la première? Al-Ikhlas wa Tawhid. Non. Al-Ikhlas wa Tawhid. La deuxième, al-i'lan bil-ubudiyya. Proclamer la servitude du serviteur. Proclamer la servitude du serviteur. Non. La troisième chose, al-iman bil-qada'i wal-qadar. La foi au destin et à la prédestination. La foi au destin et à la prédestination. Et la quatrième chose, ma'arifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. La connaissance d'Allah à travers ses noms. Celui qui réunit ces quatre choses, aucune tristesse restera dans son cœur. Aucune tristesse restera dans son cœur. La première dua que nous avons vue, la ilaha illallah al-alim al-halim, à trois reprises, on répète at-tawhid. Et on cite les noms et les attributs d'Allah azza wa jalla. Dans l'explication de al-kalim al-tayyib, Cheikh Abdel Razak dit, فيه إشغال القلب عن الهموم والغموم بالتوحيد. الله أكبر. C'est quoi la cause pour dissiper la tristesse et les problèmes? C'est d'occuper le cœur par le tawhid. Toi, t'as un problème aussi grave soit-il, Allah Akbar. Ça? Aussi grave soit ton problème, Allah il est Akbar. Donc tu vas te préoccuper, t'occuper d'Allah Azza wa Jalla. Du tawhid, du droit d'Allah Azza wa Jalla. Ça va te distraire de ton problème. La place du souci va être enlevée. Et cette place, on va la remplir par le tawhid. Est-ce que vous avez compris? Ici, c'est pareil. Allahumma inni abduk. Quand tu dis Allahumma, c'est-à-dire Ya Allah. Là, tu mentionnes Allah tabarak wa ta'ala, tu te diriges vers lui dans ta tour. Inni abduk. Ibn abduk. Ibn amatik. Oh Allah, tu montres, Yannick, t'es un serviteur, t'es humilié devant moi. Je suis ton serviteur. Fils de ton serviteur. Fils de ta servante. Nasiyati biyadik. Ma'arim fiya hukmak. A'arim fiya qadak. Puis tu mentionnes le destin. Tu es satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jalla fait et tu sais qu'Allah est juste. Et que tout ce qui se passe, c'est parce qu'Allah l'a décrit. Non. Ensuite, tu mentionnes la connaissance d'Allah que tu as, ses noms, ses attributs, et tu lui demandes par cela. Quand tu as réuni tous ces sens-là, l'ikhlas, le tawhid, l'ubudiyya, le tadallul, l'asma, à ce moment-là, tu rentres chez Allah Azza wa Jalla. Non, tu demandes à Allah Azza wa Jalla d'ôter cette tristesse en faisant que ton cœur, yani à travers le Coran, soit un printemps. Non, et la saison du printemps, c'est la saison où fleurissent. Naam. C'est la saison où le sol retrouve la verdure. Où les herbes poussent. Où les fleurs sortent. Et ainsi de suite. De la même façon, le qalb qui était dans les soucis, naam, qui avait perdu sa beauté, retrouve cela par cette dua et cette invocation. Pour plus de détails, vous revenez à l'explication de Al-Kalim. الطيب نعم ne dis pas comme ceux qui testent les invocations et disent oui mais j'ai fait dua, ça n'a pas fonctionné, oui mais tu connais pas mon problème, oui mais moi je suis pas, oui mais moi je me connais, oui mais non, laisse oui mais de côté et concentre-toi sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et aie la conviction ferme qu'Allah azza wa jalla va répondre à ta demande. نعم. Demande avec détermination demande avec détermination, demande avec espoir. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. C'est ainsi qu'étaient les prophètes et les personnes vertueuses. Ils demandaient à Allah avec désir, espoir et crainte et effroi. Puis on nous cite une parole d'Ibn Saoud, mais elle n'est pas authentique. Que l'invocation lors de Karb des prophètes était celle-ci. Ensuite, Ibn Abi Dunya, rahimahullah ta'ala, cite de Al-Hassan qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallam était un commerçant. Il commerçait avec son argent et l'argent des autres. Naam, dans toute contrée. C'était une personne pieuse, prenait du recul. Un jour, il est sorti et il y a un voleur qui l'a pris à partie et l'a pointé de son arme. Ou il l'a pris avec son arme. Et il lui a dit, lâche ce que tu possèdes. Je vais te combattre. Il lui a répondu, ce que tu veux, toi, c'est mes richesses. Prends-les. Naam. Il lui a dit, je ne veux pas que l'argent, je veux ton sang. C'est-à-dire, je vais te voler, en plus, t'assassiner. فقال أما إذ أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. Il lui a dit, si tu insistes et tu ne veux pas rebrousser chemin ou changer d'avis, alors laisse-moi prier quatre unités de prière. قال صلي ما بدا لك. Il lui a dit, prie ce que tu veux. فتوضأ ثم صلى أربع ركعات. Il a fait le wudu puis a prié quatre ركعات. فكان من دعائه في آخر سجوده. Dans sa dernière prosternation, il a fait du'a parmi ses paroles, il y a يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني ثلاث مرات وإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربه قد وضع بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت فسمعت الأبواب السماء فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو نعم مكروبا كان أو غير مكروب. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. ابن أبي الدنيا مصير مغلب المستجابون دخل الحسن qu'Anas ibn Malik aurait dit à Ansar parmi les compagnons du prophète sallam nommé Abu al-Mi'laq. Commerçait en tout lieu avec ses biens et ceux d'autrui. Et il était dévot et pieux. Un jour il sortit, un brigand le rencontra, l'arme à la main, et lui dit, pose ce que tu as car je vais te tuer. Que veux-tu de ma vie? Tu cherches l'argent? L'argent est à moi, mais je veux ta vie. Si tu refuses, laisse-moi alors accomplir quatre unités de prière. Prie autant que tu veux. Il accomplit ses ablutions, puis quatre unités de prière. Et il dit lors de sa dernière prosternation, ô toi l'affectueux, ô toi le détenteur du trône sublime, ô toi qui fais ce que tu veux, je te demande par ta puissance qui ne peut être vaincue, par ton royaume qui ne peut être pris, ta lumière qui remplit les piliers de ton trône, de me protéger du mal de ce brigand. Ô sauveur, sauve-moi, par trois fois, il répéta cela. Surgit alors un cavalier, une lance à la main, posée entre les deux oreilles de son cheval. Lorsque le brigand l'aperçut, il se tourna vers lui. Et le cavalier le frappa, et il mourut. Puis il se tourna vers l'homme et lui dit, « Lève-toi, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon. Qui es-tu? Allah m'a secouru à travers toi aujourd'hui. Je suis un ange du quatrième ciel. À ta première invocation, j'ai entendu les portes du ciel claquer. Puis à ta deuxième invocation, j'ai entendu un tumulte de gens du ciel. Puis à ta troisième invocation, on m'a dit, c'est là l'invocation d'un homme affligé. J'ai alors demandé à Allah de me permettre de m'en occuper. Allah, Mada al-Hassan, a dit, quiconque effectue ses ablutions accomplit quatre unités de prière et adresse une invocation. Cette invocation, on l'exauce, qu'il soit affligé ou non, qu'il soit dans un problème ou non. Ce hadith également n'est pas authentique. Mais on trouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam que certains parmi les sahaba ayant été yani, faits prisonniers, ils ont demandé à prier avant leur décès. Ça c'est affirmé. Ça c'est affirmé. Anas Allah subhanahu wa ta'ala bimanni wa karamihi wa huwa rahmur rahimin al-ghani al-karim al-hamid سبحانه وتعالى أيمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفور يا غفار يا أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نحبك اللهم إنا نسألك بأننا نحبك اللهم إنا نسألك بأننا نحبك أن تدخلنا أجمعين الجنة نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحب يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك